champ, jardin d'Éden. Dans les vieux quartiers blêmes, ils volent, planent et passent au-dessus de la populace humaine, qui sans cesse jacassent au sujet de leurs infimes. Vivant dans la misère, sans penser au lendemain, se sentant bien seul sur terre à être encore un être humain. Lui, il vagabonde dans les ruelles profondes, à la recherche d'un trésor qui vaut bien plus que de l'or. Vagabond, vagabond, tu es bien trop miséreux. Vagabond, vagabond, et pour trouver l'amour à deux. Vagabond, vagabond, le temps qui passe n'importe peu. Vagabond, vagabond, l'on vit à ton âme voyageuse. La joie de vivre, qui tire la gueule continuellement dans une course à la dérive. Il nourrit son bonheur de fêtes et de musique, fait naître une lueur d'un espoir pacifique. En voguant dans les villes, dans les bars et les rues, il rencontrera la fille qui partagera sa vertu. Le cœur embrasé sous un ciel étoilé, et mille et un baiser pour un soir ou les années. Vagabond, vagabond, tu es bien trop miséreux. Vagabond, vagabond, oui, pour trouver l'amour à deux. Vagabond, vagabond, le temps qui passe n'importe peu. Vagabond, l'on vit à ton âme voyageuse. Avec sa grappe sèche, il jouera au coin de la rue. Les passants qui sèchent pour donner son revenu, leur mépris l'indiffère autant que l'état de son pays. Il a bien mieux à faire que d'envier cette putain de patrie. Vagabond, évadons-nous dans des pays lointains. Évadons-nous, évadons-nous dans des rêves sereins. Vagabond, évadons-nous dans des pays lointains. Évadons-nous, évadons-nous dans des rêves sereins. Vagabond, vagabond, les papiers t'en as bien peu. Vagabond, vagabond, il pourrait être dans les normes du jeu. Vagabond, vagabond, le temps qui passe n'importe peu. Vagabond, l'on vit à son âme voyageuse.